J'en m'ignorais dans la rue royalement. Je voulais me faire remarquer avec un truc dans le vent. J'ai vu cette pub à la télé depuis maintenant. Mon phone a une sonnerie de merde. Pour 2€, tu reçois de la merde. De la bien bonne, vraiment de la merde. Jamais quelqu'un m'a autant arnaqué avec cette sonnerie de merde. Quand mon phone sonne, voilà que tous les gens me cassent la gueule et se font un jugement. Même les durs d'oreilles ont envie de me briser les dents quand mon phone fait sa sonnerie de merde. Pour 2€, tu reçois de la merde, de la bien bonne, vraiment de la merde. Jamais quelqu'un m'a autant arnaqué avec cette sonnerie de merde. En fait, quand on y réfléchit, les sonneries par défaut, elles sont pas mieux, en fait. La sonnerie des nounours, celle du lapin câlin, celle des vaches qui mourent, celle du lapin crétin. Que ce soit sur Saosa, ou bien même sur Jamba, on trouve de nos jours des trucs vraiment trop lourds. Pourquoi faut acheter ça? Pour être à la mode, pour faire comme tout le monde, c'est pas vraiment commode. Tout le monde voudrait avoir une sonnerie bien démente, mais en fait au final, tu te fais avoir comme un gland. Pour 2€, tu reçois de la merde, de la bien bonne, vraiment de la merde. Jamais quelqu'un m'a autant arnaqué avec cette sonnerie de merde. Pour 2€, tu reçois de la merde, de la bien bonne, vraiment de la merde. Je vais bien faire, je vais quand même pas l'acheter. J'ai mis ma paye là-dedans, faut bien que ça serve à quelque chose maintenant. Je sais, je vais attribuer cette sonnerie à ma mémé. Comme ça, dès que ça sonnera, je saurai tout de suite qui c'est.